Hey yo P, ça fait déjà un an aujourd'hui. On va fêter ça à soir. Et pour l'instant, on pense au bon moment. Hey yo P, te rappelles-tu quand on mixait ton album sous mon chien Alexis? On aurait dit des jeunes bandes, on déconnait grave. Et on buvait de la Laurentine en caisse de 28. On devait pas être trop lucide. Te rappelles-tu tes premières tracks dans mon garage? Dans temps, j'aurais jamais pu croire que tu fasses tes bagages. Depuis j'ai connu tes parents, des gens exceptionnels et ils sont fiers de toi. Et leur amour est éternel. Mais ça tu le savais déjà. Ce que les gens ils savent pas, c'est que c'est toi qui a eu l'idée d'appeler la rive sud le 8. Et on te remercie pour ça. Et toutes les premières parties, même seul sur un stage, tu t'en es toujours sorti. La vie continue, mais t'as laissé un vide en place. Une chose de sûre, c'est que ton album a laissé des traces. Et à tes funérailles, toute la rive sud était là. Hey yo P, explique aux gars comment ça se passe en 8-3. Embarque le gros, montre le son et pense with me. Sous mes lunettes noires, mes yeux vicieux, crois tout permis, on se la pète. Les tatous sortis de la fenêtre, toi au frein levé, puis les macromés. Qu'est-ce qu'on est bien chez moi? Qu'est-ce qu'on fait de bon chez nous? Qu'est-ce qu'on est roi chez soi? Ma tête tourne, je ferme les yeux, je pense à rien. La corona, je parle pas, je et je pense à rien. Ça sent l'été, comme quand commençaient les vacances, qu'on finissait l'école, qu'on commençait à vendre. La nuit tombe, je me mens pas au pichard. On cherche de parquet, mon médium, puis 4-5 chars. Ça bouge ici, on rentre, puis personne sait rien. Parce qu'on sait qui je suis, parce qu'on connaît les miens. Phil change le beat, jeunesse roule le bat. Robert, je crie, violez-moi. Un autre, ça fait une traque, les jeunes capotent. Les filles crimes font péter ma coche. C'est pas moi qui t'en se le vent, j'ai pas pris ta sacoche. Salope, c'est moi pas gars, et t'aimes ce que je fais, merci. T'as 17 ans, des gros seins, présente-moi tes amis, puis la roue tourne. Comme à chaque été, la pierre coule, les joints roulent. Comme à chaque été, l'extérieur sort. Les bikinis aussi, partout des filles et des filles. Merci mon Dieu, merci. Hey yo pagaille, rest in peace. Shit, on dirait qu'ils font un perdant à tous les ans. Mike, toi, Roger. En passant à Roger, merci pour ce que t'as fait pour nous. On s'en souvient. Rap game, heavy hitters, it's a shame they no longer with us.